Bonjour Maëlys et à demain pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous partons cette semaine par l'Orient Express et le Sud Brennerbahn pour un voyage en compagnie de Valérie Larbaud. Une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Casmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Julie Garraud. Larbaud était avant tout un lecteur, un homme essentiellement rêveur, un grand enfant espérant éternellement des choses vagues. C'était aussi un homme riche, mais dont l'idée de la fortune était assez poétique. Ses dépenses les plus capricieuses furent d'ailleurs consacrées à l'achat de livres venus de tous les endroits du monde et qu'il faisait découvrir en France. Jeudi, avec Didier Alexandre puis Christine Kosseifi, nous parlerons du personnage de ce jeune homme riche parcourant le monde que Larbaud a appelé Barnabous. Mercredi, nous reviendrons sur la partie de son œuvre qui met en scène des enfants, le récit Fermina Marquez et les nouvelles des enfantines. C'est Nelly Chabrol-Gagne qui nous en parlera, tandis que Nathalie Frolov présentera le petit texte de Larbaud intitulé « 200 chambres, 200 salles de bain », laquelle revient sur la manière d'être malade dans les grands hôtels. Enfin, demain, nous parlerons du cosmopolitisme fondamental de Larbaud ainsi que de sa correspondance. Ce sera avec l'universitaire Gilles Charbonnier. Et aujourd'hui, pour retracer la vie de Valérie Larbaud, je reçois Béatrice Mousli, qui a consacré une biographie à l'auteur de Fermina Marquez en 1998 chez Flammarion, biographie qui avait reçu cette année-là le prix de la biographie de l'Académie française. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Ce matin, j'ai dû aller rue de la Pitié payer une facture et je suis descendu à pied jusqu'au jardin des plantes où j'ai passé une demi-heure à regarder son excellence l'hippopotame. Je suppose que mon insistance lui a déplu car il a tourné lourdement la tête pour me présenter son majestueux profil. Les gens passaient sans s'arrêter en jetant une courte phrase comme « Oh, est-il laid ?» Une petite fille a dit « Il me ferait peur !» Ils s'en allaient tous plus loin bavarder avec l'éléphant. Il n'y a que moi qui suis resté longtemps à bavarder avec l'énorme bête. Un extrait pour commencer du journal de Larbaud, lu par Roland Alexandre. Bonjour Béatrice Mousli. Bonjour. La conversation avec l'hippopotame, c'est tout à fait du Larbaud, cette façon à la fois naïve, enfantine et en même temps mélancolique de voir les petites choses du quotidien. Oui, tout à fait. Une des photos les plus connues de Larbaud, c'est une photo avec un hippopotame, soi-disant aux eaux de Lisbonne. Il apparaît que cette photo soit une fabrication, mais c'est tellement beau et tellement vrai. Larbaud, c'est effectivement quelqu'un du quotidien, c'est quelqu'un qui prête beaucoup d'attention aux détails que l'on ne regarderait peut-être pas. Et puis c'est aussi celui qui discute avec l'hippopotame et pas avec l'éléphant. Donc c'est peut-être celui qui est un petit peu différent ou qui en tout cas se sent un petit peu différent. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très timide, c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu de mal à trouver sa place dans la société. Donc il s'est créé sa propre société dont il est le citoyen quasi unique le plus souvent, au sein d'une république qu'il appelait la République des Lettres. C'est celui qui se retire très souvent dans sa thébaïne, dans cet endroit où il était entouré des livres qu'il aimait. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la lecture et par accro à l'écriture. Alors c'est un écrivain pour écrivain, on dit ça souvent, sans bien toujours comprendre ce que ça peut vouloir dire. Mais en tout cas c'est vrai qu'il est adulé par un petit nombre de gens, souvent de gens qui aiment beaucoup la littérature. Qu'est-ce que c'est être un larbaldien ? C'est une très très bonne question. Je pense que c'est quelqu'un qui aime la littérature, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui aime l'art beau, bien sûr. Alors ça serait peut-être la première définition, la définition la plus basique. C'est quelqu'un qui aime le voyage. C'est quelqu'un qui aime le voyage, mais qui n'aime pas forcément voyager. Qui aime l'idée du voyage. Voilà, Larbeau aimait beaucoup l'idée du voyage, Larbeau rêvait souvent de voyage. Il a aussi beaucoup voyagé, bien entendu. Mais avant tout, ce qu'il promeut, c'est cette idée du voyage. C'est ce que le voyage pourrait apporter, peut apporter. Et c'est un peu il est très proche de Xavier de Maistre. Voyage autour de ma chambre, ça ne lui est absolument pas étranger. Alors vous êtes très larbaldienne, non seulement parce que vous avez écrit une biographie, mais parce que vous ne vivez plus en France, vous vivez loin d'ici, aux États-Unis. On profite de votre passage quelques jours à Paris. Merci. Effectivement, et peut-être que comme Larbeau, un des endroits où je me sens le plus confortable, c'est entouré de mes livres, devant mon bureau, avec un stylo plume à la main. J'espère partager un des traits caractéristiques de Larbeau, un des traits qui m'a toujours le plus attiré, c'est cette curiosité de tout. Sa curiosité ne connaissait guère de limites. Et puis vous aimez les trains. Et j'aime les trains. Et j'aime voyager. Bon, je crois que c'est d'ailleurs en lisant en troisième, c'est ça, voilà, un poème de Larbeau sur une gare que vous voilà, avez eu envie de vous consacrer. J'ai découvert Larbeau en lisant L'ancienne gare de Cahors, qui est un des poèmes qui apparaît dans les poèmes d'Aou Barnabouf. Et ce poème m'avait fasciné parce qu'il parlait de train. Il ressemblait beaucoup à ma vie, qui était une vie qui était faite de train, de voyage en Europe et de lecture. Parce que votre père était cheminot. Et parce que mon père était cheminot, effectivement. Alors, vous ne saviez pas, quand vous aviez 15 ans, que la biographie que vous écririez de Larbeau recevrait le prix de l'Académie française. Ça aussi, c'est un peu larbaldien, parce que Larbeau, il aurait bien aimé rentrer à l'Académie. Effectivement, enfin, c'est quelqu'un qui aimait la para, qui aimait le décorum. Qu'est-ce qu'il trouvait dans l'appareil du décorum? Je pense savoir que je dois beaucoup de ce prix à Michel Déon, et je pense que Michel Déon, en poussant ma candidature, a aussi beaucoup pensé à Larbeau et à quel point c'était un hommage avant tout à Larbeau plus qu'à moi. Petite chose, mais c'était une façon d'avoir Larbeau au sein de cet antre qui. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire le décorum? Qu'est-ce qu'on aime quand on aime le décorum, comme Valérie Larbeau? C'est difficile. Comme ça, c'est un peu difficile à définir. C'est aussi quelque chose qui revient dans son parcours religieux. Il est né dans une famille protestante, de très très longue date, et il va se convertir au catholicisme, ce qui n'est pas une conversion facile parce qu'il faut qu'il passe au-delà du diktat familial et du diktat de sa mère en tout particulièrement. Et il dit qu'une des choses qui l'attire vers la religion catholique, c'est le décorum, c'est le fait qu'il y a, qu'il se passe lors des services, des choses qui ne se passent absolument pas lors du service protestant. Il y a une sorte de fête de la religion à l'intérieur de ce service. Alors vous commencez déjà à évoquer les parents de Valérie Larbeau, qui est née donc en 1881 à Vichy. Il mourra également à Vichy en 1957. Donc c'est un fils unique, c'est le fils unique d'un pharmacien qui s'est enrichi rapidement, Béatrice Mously. Oui, il s'est enrichi grâce à Saint-Yor. Il a pas vraiment découvert les autres Saint-Yor, mais il a découvert comment les exploiter. Et la fortune larbaldienne vient de l'exploitation de ses hôtes Saint-Yor. Son père va mourir très très rapidement. Alors qu'il a 8 ans. Voilà, et il va être le fils unique d'une mère qu'on dirait aujourd'hui ultra protectrice. Fils unique souvent malade. L'idée étant que son père avait probablement la syphilis et que c'est donc un enfant de la syphilis, c'est un enfant très fragile et on est bien avant toute possibilité de traitement de tout cela. Et c'est un enfant qui ne va pas vraiment être scolarisé, qui va avoir des tuteurs, qui va voyager un peu avec sa mère entre Paris, donc Vichy où il habite, Paris, Londres. et qui va recevoir une instruction de briques et de broc, mais malgré tout très bonne, puisque c'est une instruction où il va lire. Ah, il va quand même passer à Henri IV. Il va aussi être à un moment dans un collège privé de la banlieue parisienne qui s'appelle Sainte-Barbe-des-Champs. Alors ça, c'est un lieu qui n'a pas été choisi au hasard par sa mère. C'est un lieu où finalement elle se doute qu'on laissera son fils tranquille. Oui, alors Sainte-Barbe-des-Champs, c'est un pensionnat pour enfants très, très riches. Il en fera plus tard une nouvelle. On retrouve Sainte-Barbe dans Fermina Marquez. Et effectivement, c'est un pensionnat où on lui demande pas trop. Mais comme à Henri IV, comme ailleurs, il va y passer très peu de temps parce que sa santé ne lui permet pas, parce que sa mère ne lui permet pas. Et finalement, il termine des études qui n'auront jamais été très loin. Alors, sa mère ne lui permet pas. Il faut revenir sur cette relation entre la mère et le fils. Isabelle Larbeau perd donc son mari. Elle est encore assez jeune. Elle hérite des 5/8 de la fortune, parce que c'est une immense fortune. Donc, son fils est sous sa coupe. Il ne peut pas disposer lui-même de l'argent. Et on a l'impression qu'elle ne sait pas très bien comment on élève d'abord un petit garçon, puis un jeune garçon. Elle se sent comme un peu perdue avec son fils. Elle est extrêmement autoritaire. Elle se conforme aux standards du moment. Par rapport à l'argent, effectivement, elle est extrêmement stricte. Et Larbeau va éprouver un grand soulagement à l'arrivée de ses 18 ans et la disparition de la tutelle. Et à ce moment-là, va se retrouver à être un peu fils prodigue à Londres. Et puis finalement, va commencer une vie qui va être une vie d'érudit, enfin une vie d'amateur. D'amateur, un peu monastique parfois. C'est donc un jeune homme qui subit le poids des conventions familiales assez fortement, qui décide de devenir écrivain. On le comprend dans cet extrait de « Notes pour servir à ma biographie » de Larbeau, lu ici par Arnaud Bédoué. Je pense que, non pas la description d'une de mes journées de travail, mais mon travail, le travail, devrait être présenté comme le principe fondamental et déterminant de ma biographie. Vivre pour travailler, encore une fois. Par exemple, c'est pour sauvegarder et protéger le travail que, tout en m'affranchissant de la tutelle de ma famille, je me suis abstenu d'entrer dans une carrière quelconque, l'enseignement ou la diplomatie, par exemple, qui aurait pu m'attirer. Et d'autre part, ma curiosité intellectuelle, le besoin de poursuivre mes études jamais achevées et qui ne peuvent jamais l'être, m'ont fait repousser avec horreur la vie qu'à défaut d'une carrière, ma famille et toute la tradition bourgeoise française voulaient m'imposer, rentier administrateur de ses biens. Ainsi, jusqu'à la publication de Fermina Marquez chez Fasquelle en 1911, donc pendant 10 ans, de ma majorité 1901 à cette date de 1911, j'ai passé aux yeux de ma famille, ma mère, ma tante et leurs vieux amis, pour un propre à rien, incapable non seulement de suivre une carrière quelconque, mais même d'administrer sa fortune. Mon oisiveté apparente, mes séjours sans utilité visible à l'étranger, mes voyages, étaient considérés comme des signes d'infériorité intellectuelle, comme des extravagances et de dissipation. Pour sauvegarder et protéger mon travail, j'ai évité même de lui donner une justification aux yeux des gens de mon entourage, en faisant ouvertement et pour ainsi dire officiellement de la littérature. La compagnie des auteurs sur France Culture, que vous évoque cet extrait des notes pour servir à ma biographie de Larbeau, Béatrice Mousseline. Des images qui me reviennent. À un moment, Madame Larbeau avait décidé d'envoyer Larbeau en Algérie, notamment, pour représenter les eaux de Saint-Yor, une sorte de représentant de commerce. Un échec, sauf que le voyage lui a beaucoup plu. Et effectivement, cette absence de tout sens commercial, de toute... de tout sens pratique à proprement parler. Mais d'un autre côté, un des mythes qu'il faut absolument détruire tout de suite, c'est que Larbaud n'est pas Barnabouf. Il va écrire... N'est pas son personnage. N'est pas son personnage, voilà. Qui est donc le premier personnage qu'il va inventer à l'âge de 20 ans. Et voilà, et qui, le premier Barnabouf va paraître en 1913. Et donc là, l'extrait dont vous parliez, que vous venez de montrer, s'arrête en 1911. Quand il prépare ce personnage de Barnabouf, il invente un personnage extravagant, un peu inspiré par son passage à Sainte-Barbe-des-Champs. Mmh. Un jeune homme de 23 ans. Un jeune de 23 ans qui dépense sans compter, qui est extrêmement riche, etc. Mais qui est aussi très généreux parce que il achète qui est très généreux, tout un tas de choses qu'il fait monter dans son hôtel, c'est pour les distribuer à toutes les personnes de l'étage. Voilà, alors avec une générosité qui est un peu curieuse parce qu'il y a une part de condescendance, tout n'est pas très clair. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pendant très très longtemps, on a assimilé Larbaud et Barnabouf. Alors que Larbaud n'est pas Barnabouf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu cette extravagance, il était au contraire assez humble finalement, et assez discret, mais il s'est vraiment plu à montrer ce personnage de milliardaire sud-américain, et c'est à ça que cet extrême me fait penser. Mais alors c'est étonnant parce qu'il y a comme une fascination pour les jeunes gens riches, de la part de Larbaud, qui est lui-même un jeune homme très riche. En général, on est fasciné plutôt par ce qu'on n'est pas, Béatrice Mousseline. Alors, je pense qu'il est fasciné par l'aisance. Et l'aisance, ici, n'est pas matérielle, mais l'aisance, elle est personnelle, elle est intellectuelle. C'est le personnage qui est à l'aise dans le monde, ce qu'il n'est pas. Mmh. Et je pense que c'est ça, la fascination, en fait, avec Barnabouf. Aisance avec les femmes, aisance dans les relations familiales, etc. Mmh. Aisance avec les femmes, comme dans Fermina Marquez, on trouve ce jeune garçon qui admire Fermina Marquez, qui est intouchable. Fermina Marquez qui est donc, on l'a dit, inspiré un petit peu de ses années au collège, année où il va être en contact avec tous les rejetons de la bonne bourgeoisie mondiale, les Sud-Américains, mais aussi les anglophones. C'est là que, selon vous, va se nouer cet intérêt pour les langues que Valérie Larbaud va toujours avoir toute sa vie ? Sans doute. C'est une ouverture sur d'autres modes de vie, sur d'autres horizons. Et effectivement, dès qu'il va pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'il va pouvoir s'affranchir de sa mère, et c'est après 1911, Larbaud va d'abord s'installer en Angleterre, puis en Espagne. Il va écrire, mais il va surtout traduire de l'anglais en français. Il arrive à persuader Gallimard de publier un certain nombre d'auteurs anglais obscurs en français. Ensuite, il va s'installer en Espagne et même chose, il va réussir à convaincre des éditeurs français. Donc c'est un découvreur. C'est un découvreur. Sa technique, c'est de s'installer dans un pays, de vivre comme quelqu'un du pays et de traduire, de lire et de traduire. Alors on va écouter justement ce que Chantal Thomas dit de l'art du voyage selon Larbaud. Chacun de ses séjours, c'est essentiellement sur trois pays, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, mais aussi le Portugal, chaque fois, cette langue étrangère lui devient intime. Et cette appropriation est vraiment un changement de son esprit et de son être. Et c'est ça qui est magnifique, vraiment. Par exemple, Londres, qui est sa grande révélation, après plusieurs séjours, il le dit d'ailleurs, il est quelqu'un qui pense en anglais. Et quand il s'installe en Espagne, c'est la même chose. L'espagnol va devenir complètement coextensif à son être. Et au Portugal, il va rejouer le même jeu. Et il raconte très très bien, ça je trouve ça merveilleux, comment, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a tous connu, il a repéré quelques phrases, et puis il sort dans la rue, et il essaie de les dire. Donc, c'est pas la phrase qui est le moyen de de communication. C'est la situation qui sert à placer la phrase. Et il raconte aussi qu'il va au cinéma. Il a entendu plusieurs fois au zoo dire, les gens dire à l'hippopotame, ouvre grand la bouche. Et à un moment, c'est plus fort que lui. Il y a une image qui lui suggère ça. Il dit tout haut, ouvre grand la bouche. Et il est fou de joie parce que le public applaudit. C'est tout ça complètement touchant. Et ça m'a fait penser que c'était un voyage qui était sous le signe, tous ces voyages sont sous le signe de son plus beau livre, à mes yeux, qui est Enfantine. Et un des textes d'Enfantine raconte comment les enfants découpent un jardin et en font trois pays. Ils sont trois, deux garçons et une fille, avec des gares, des noms. Il y a la station de l'arbre horrible, par exemple. Et ils se répartissent des domaines et ensuite il y a des conflits qui sont plus ou moins dramatiquement résolus. Et la façon dont Valérie Darbeau a vécu sa vie, qui est une vie rêveuse, et elle est vraiment, d'une certaine façon, sans avoir bougé de ce jardin d'Enfantine. Et Paul Morand lui disait, comme un compliment, « Vous avez le dandysme intérieur, le seul véritable. » Le voyage pour Larbeau, Béatrice Mousli, c'est une autre manière de rêver, c'est une manière de rêver différemment. Oui, c'est vraiment une manière d'être. Alors, il avait organisé sa bibliothèque, puisque Chantal Thomas parlait du jardin inventé dans Enfantine, avec ses trois. Alors, c'était plus que des pays, c'était des continents même. Parce que Larbeau avait ce genre de vision, il avait une vision mondiale, lui qui n'a jamais quitté l'Europe. Il aimait les grands pays et les tout petits états, les microcités. Voilà, il aimait l'immensité du monde et les tout petits états. Il avait transformé sa bibliothèque, à l'instar de ce jardin, en un monde des lettres, il n'est plus question d'une république, où la bibliothèque était délimitée en domaines. Et donc il y avait le domaine anglophone, il y avait le domaine hispanophone, qui étaient les deux plus grands domaines, un domaine lusophone tout à fait présent. Alors il n'a pas traduit du portugais, il a vécu un petit peu à Lisbonne. Il y a d'ailleurs un très très beau texte sur cette expérience. Il comprenait le portugais, il le parlait mal selon lui, je ne sais pas ce qu'il en était vraiment. Et puis il y a des domaines, des petits domaines, comme les petits pays, de langues qu'il ne parlait pas, mais auxquelles il s'intéressait, qui étaient aussi bien le russe, le lituanien, le tchèque. Tout était là. Et la fascination pour les petits pays, Monaco, Andorre, le Vatican, alors, peut-être effectivement, aussi. Effectivement, alors là, il y a beaucoup voyagé. Il a voyagé, voyagé en Andorre, notamment. Il a voyagé au Luxembourg. Il a voyagé en Suisse, qui est peut-être pas un tout petit pays, un peu plus grand que les précédents. Il avait une fascination. Et alors, cette fascination, là, c'était plutôt la fascination pour la petite république, pour la petite constitution. Dans ces pays, il recherchait les timbres. Il recherchait aussi, il avait un hobby un peu particulier qui était celle des petits soldats de plomb. Mmh. Donc, il passe beaucoup de temps en Andorre, par exemple, à rechercher des soldats de plomb. Et à peindre selon qu'ensuite les il uniformes baignait, de chaque qu'ensuite pays. Il mettait en scène, puisqu'il y avait chez lui des mises en scène de certaines grandes batailles ou bien des représentations d'armées. Donc, des fascinations comme ça, presque de petits garçons, enfin. Oui, on est vraiment dans l'enfance, durant toute la vie de Larbeau. Parmi les voyages de Valérie Larbeau, il va voyager toute sa vie jusqu'en 1935, date à laquelle, on le dira tout à l'heure, il est obligé, à cause d'une attaque cérébrale, de rester en France. Mais il a fait un certain nombre de voyages, et vous parliez du voyage en Algérie, mais il y en a eu d'autres, notamment quand il avait 17 ans, il est parti avec quelqu'un de la maison Saint-Yeur pour, je crois, les pays de l'Est. Et là, qu'est-ce qu'il voit finalement? Qu'est-ce qu'il découvre dans ce voyage qui est un peu un voyage initiatique? Il y a peut-être une confraternité masculine pour ce garçon qui a vécu sans père et qui part avec un homme qui s'appelle Louis Valdoire. Mmh. Qui est donc quelqu'un qui travaille pour la Maison Larbaud. Bon, le voyage se passe moyennement bien parce que c'est un jeune garçon et qu'il a envie de s'émanciper. C'est avec la même personne qu'il va aller en Algérie. Hein, c'est le même voyage. C'est des voyages où il va découvrir qu'il y a autre chose que Vichy. Mais il va aussi découvrir que ça n'est pas le genre de voyage qu'il a envie de faire. Et que finalement, il a envie de faire autre chose que d'essayer de vendre de l'eau minérale. Et puis alors, c'est aussi des voyages où la politique n'existe pas. Parce que la politique, pour Valéry Larbaud, c'est quelque chose de très lointain. Donc, il ne s'intéresse pas, quand il traverse des pays, à leur mode de gouvernement, par exemple. Ah non, absolument pas. Alors ça, c'est quelque chose qui ne va jamais revenir. La politique et Larbaud, c'est deux choses qui ne se rencontrent quasi jamais. Bien sûr, elles se sont rencontrées au moment de la Première Guerre mondiale, mais même à ce moment-là, qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, parce que de toute façon, il était réformé. Mais il a quand même essayé de s'engager. Voilà, il a essayé de s'engager, mais il était très faible, il était malade. Donc il a suivi les progrès, les problèmes des amis qui ont été engagés, des amis qui ont été au front. Mais c'est resté une guerre très personnelle, justement. Ça n'a jamais été pour lui un problème mondial ou même européen. C'était le fait qu'un certain nombre de ses amis, comme Léon Werth, par exemple, étaient au front, et donc l'inquiétude, etc. On a l'impression d'une certaine cécité quand même sur un certain nombre d'événements politiques. Par exemple, quand il parle de l'Italie, quand il parle de Mussolini, bon, ça semble pas, au moins au départ, pour lui, un régime dangereux. On a l'impression qu'il n'est pas un analyste de la situation politique en Europe à ce moment-là. Il y a deux choses, parce que par exemple, on l'a beaucoup critiqué par rapport à l'Italie, essentiellement, où il passe beaucoup de temps à partir de 1924 jusqu'à sa mort. Et il passe beaucoup de temps par goût, et puis aussi du fait qu'il va épouser une Italienne, Maria Nebbia. Il a été beaucoup critiqué pour son absence de critique de Mussolini, dont il dira, comme beaucoup de monde, que c'est formidable puisque les trains arrivent à l'heure. C'est 1924 ou 25, donc très très tôt. Il n'a pas véritablement conscience, ou en tout cas, il ne laisse rien paraître de ce qui se passe, des exodes, de ce qui se passe aux îles Lipari, du sort des intellectuels dès les premières années du régime de Mussolinien. Vous avez mentionné le fait qu'à partir de 1935, tout s'arrête, il est complètement immobilisé, il est immobilisé et aphasique, donc vraiment tout s'arrête. Donc il n'aura jamais véritablement conscience de ce qui se passe en Europe. Le seul moment où on lui voit une conscience politique, et je dirais entre guillemets du bon côté, c'est-à-dire du côté où il s'insurge contre le fascisme montant en Europe, c'est en 1933 lorsqu'il y a des manifestations à Paris. Il en parle dans son journal. Voilà, il en parle dans son journal, il est en train d'accompagner sa petite fille Letta à l'école, et il se rend compte qu'il y a des manifestations, et que ces manifestations sont des manifestations antisémites, sont des manifestations contre le gouvernement de l'époque et en faveur d'un régime qu'il ne supporte pas. Et là, il fera des réflexions, mais ce sont les seuls. Mmh. Voilà. Vous avez mentionné sa femme et sa fille. C'est important, la vie de famille, pour Valéry Larbaud? Alors, ce sera très important. Donc, il épouse sa mère décédée, il épouse enfin Maria Nebbia, qui est une femme qui a quelques années de plus que lui. Maria Nebbia a une petite fille qu'ils vont adopter, qu'ils vont prendre avec eux. L'État qui va vivre avec eux, qui va grandir avec eux. Et pour Larbaud, tout cela est très très important. Il y consacre du temps, il est très content de l'accompagner à l'école, il est très content qu'elle soit là. Oui, parce que l'amour chez Larbaud, Ça prend des formes qui sont des formes d'admiration, beaucoup, notamment, enfin dans un certain nombre de ces récits, on le sent, c'est beaucoup le regard porté sur les femmes qui compte chez Larbaud. Oui, alors ça c'est dans l'œuvre, dans la vie, il y a eu quelques femmes, une des premières était à Londres. Le problème, c'est que il y avait sa mère, qu'aucune femme n'était suffisamment bonne pour son fils. Et qu'en plus, son fils avait des amours qui étaient tout aussi exotiques que ses goûts. Exotiques entre guillemets, parce que je ne sais pas si une londonienne ou une italienne, c'est véritablement très très exotique. Mais pour Madame Larbaud, c'était absolument insupportable. En plus, il y avait une question de classe. Madame Larbaud aurait vu Larbaud épouser quelqu'un, une grande bourgeoise vichysoise, sans doute. Mais en revanche, une petite couturière londonienne, ou bien Marianne Ebia, qui était divorcée, qui avait déjà des enfants, etc., était tout à fait impossible. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Béatrice Mousseli, on va marquer une pause dans cette émission, le temps de vous retrouver, Maïhélène Berasategui, pour votre chronique. Bonjour Maïhélène. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment au magazine littéraire, que vous êtes spécialiste de la comtesse de Ségur, et vous venez nous livrer votre regard de lectrice sur l'œuvre de Valérie Larbaud, dans laquelle vous vous êtes replongée. Je crois que vous êtes replongée en particulier dans l'une des nouvelles d'Enfantine de Valérie Larbaud, qui s'appelle Rose Lourdin. Alors absolument, parce que dans Rose Lourdin, Valérie Larbaud raconte la fascination obsessionnelle d'une pensionnaire de 12 ans pour une camarade d'un an plus âgée qui s'appelle Rosa Kessler. Et donc elle rêve à des catastrophes qui lui permettraient d'approcher cette jeune fille, d'être touchée par elle. Elle grimpe en cachette dans son dortoir pour pouvoir essayer les vêtements de la jeune fille en question. C'est une passion complètement dévorante. Et en définitive, on apprend que Rosa Kessler entretenait une relation avec l'une des maîtresses de la pension et qu'elles ont été renvoyées toutes les deux. Mais des années plus tard, Rose Lourdin rêve encore que Rosa Kessler viendra la retrouver. Et contrairement à d'autres nouvelles des enfantines, il n'y a rien d'explicitement érotique dans Rose Lourdin. Mais il y a par contre l'idée très présente chez Larbaud que les sentiments des enfants sont imperceptibles pour les adultes. Et cette nouvelle sur l'obsession amoureuse m'a effectivement fait penser aux problèmes posés par plusieurs témoignages historiques sur des passions adolescentes. Comme alors ça. Par exemple, quel témoignage historique ? Eh bien par exemple, alors ça fait très point de vue image du monde comme ça, mais les lettres d'Isabelle de Bourbon-Parme, qui ont été publiées en français il y a quelques années. Isabelle de Bourbon-Parme, c'est la femme de Joseph II, qui est le frère de Marie-Antoinette, et quand elle arrive à Vienne à 18 ans, elle tombe absolument raide amoureuse de la sœur de son mari, l'archiduchesse Marie-Christine. Reconstituez l'arbre généalogique, vous avez 4 heures. Mmh. Donc elle a son âge et elle s'écrivent énormément. Et ses lettres ont été conservées. Et à quoi elles ressemblent alors ces lettres ? Eh bien, Isabelle parle de toutes les grandes tâches intellectuelles qu'il faut qu'elle accomplisse avant de mourir. Elle est morte à 21 ans, donc il y avait du boulot. De son sentiment amoureux, de la culpabilité que ça génère, mais parfois aussi de rapports physiques. Par exemple, elle dit à Marie-Christine « J'embrasse ton petit cul d'archange » ou « Mon visage est un peu malade, mais votre place favorite ne l'est pas ». Ah oui, donc c'est relativement explicite. Oui, mais pourtant, si vous allez aujourd'hui sur Wikipédia, on vous expliquera qu'Isabelle de Bourbon-Parme avait pour sa belle-sœur une passion absolument platonique. Mmh. Alors, il y a deux types d'arguments qui sont mobilisés par les biographes qui pensent ça. À ma gauche, c'est « Non, mais c'est le 18e siècle libertin, ils adorent écrire des trucs un peu osés, mais ça ne veut rien dire. » Et à ma droite, c'est « Ce sont des émotions exacerbées par la très très difficile vie de princesse et en plus catholique comme elles sont, mais vous n'y pensez même pas. » Donc là, on parle du passé, mais Maïhélène, aujourd'hui, est-ce qu'on ne préférerait pas encore limiter les représentations du désir adolescent à ce qui est le plus rassurant, c'est-à-dire l'amour platonique ? Ben, je pense que c'est un sujet qui reste assez largement tabou. Dans un tout autre genre pour un texte plus récent, le journal de Rivka Lipsic, une adolescente qui habite le ghetto de Lodz, la même question s'est posée. C'est-à-dire qu'elle écrit des lettres d'amour enflammées à une jeune fille plus âgée. Et l'historienne américaine qui présente le texte explique que c'est un amour romantique mais pas érotique. Je cite. Or, Rivka Lipsic, elle est très consciente que ce qu'elle écrit, ce serait très inconvenant si elle était un garçon et que ça pose problème à l'institution dont elles dépendent toutes les deux. Elles sont dans le même groupe d'encadrement de jeunesse. Et comme les filles du ghetto se montrent leurs journaux intimes et qu'elles se montrent leurs lettres, ça peut être un texte qui peut être découvert, qui peut être diffusé. Que ce soit Isabelle de Bourbon-Parme ou Rivka Leipzig, c'est des jeunes filles qui n'ont absolument pas de modèle qui leur ressemble et elles ont déjà l'impression d'être monstrueuses ou de déplacer des montagnes juste en verbalisant l'émotion. Et comme en plus elles éprouvent une peur viscérale d'être rejetées, en fait, elles écrivent difficilement sur le désir. Même Isabelle de Bourbon-Parme, elle n'écrit pas sur ce qu'elle désire, elle écrit sur ce qu'elle a déjà fait et elle ne l'aurait pas écrit avant de le faire. Donc pour revenir à Valérie Larbeau, il aurait touché là quelque chose qui vous semble essentiel, Maïa-Hélène ? Sur la question des amours plus ou moins platoniques des jeunes filles pour d'autres jeunes filles, incontestablement. Sur la question beaucoup plus délicate des intentions plus ou moins platoniques de vieux messieurs pour des très jeunes filles, également évoquées dans Enfantine, je ne me prononce pas et sur ce sujet, je vous souhaite bonne chance, Mathieu. Merci beaucoup et à très bientôt, Maïa-Hélène Berasategui. Valérie Larbeau, poète de la douceur et de la mélancolie des voyages. Nous parlons de lui jusqu'à jeudi dans la compagnie des auteurs sur France Culture avec aujourd'hui Béatrice Mousseli dont la biographie de Larbeau a paru en 1998 aux éditions Flammarion. J'ai beau songer à Valérie Larbeau aussi longuement que je peux, il ne me vient en tête que des noms de mérite et de vertu. La noblesse, la générosité, le recueillement, le dévouement aux lettres, le bon goût, surtout le bon goût, l'inflexible bon goût. Il arrivait avant Larbeau, chez Renan ou chez Taine, par exemple, que l'on considéra comme pitoyable, un monsieur qui, en dehors de son travail, qu'il fût diplomate ou écrivain ou balayeur, se permettait d'écrire des poèmes. Eh bien, c'est un jugement, c'est une opinion, qu'il me semble que personne n'ose plus former après Valérie Larbeau. Et si je songe à son œuvre, je ne vois qu'une distribution exquise des ombres et des reflets, des tons clairs et des tons assourdis, une grande science de la limpidité et du dépouillement. Il est sûr, naturellement, que tant de qualités sont inquiétantes, je veux dire pour l'auteur lui-même. Vous êtes d'accord avec Jean Paulhan pour dire que Larbeau avait tellement de qualités littéraires qu'il pouvait légitimement en être inquiet. C'est vrai que c'est un homme inquiet, de toute façon, Valérie Larbeau. Je dirais que c'est un homme qui n'est pas très sûr de lui-même. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui, plus que ce qu'il écrivait, ou plus que de ce qu'il écrivait, est fier de ce que les autres écrivent. Une des remarques qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur, c'est quelque chose qu'il a écrit à Marcel Auclair, qui à l'époque était une jeune fille qui venait de commencer à écrire et qui était encore au Chili, qui lui a écrit juste avant d'arriver à Paris et en lui envoyant quelques pages qu'elle avait écrites, et il lui a répondu en disant mais c'est formidable, c'est si beau ce qu'écrivent les autres. C'est d'abord un lecteur, selon c'est vous. C'est d'abord un lecteur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de... dont l'énergie passait énormément dans la promotion de l'autre, dans la promotion des écrits des autres. Mmh. Est-ce que ça signifiait aussi que, pour sa propre littérature, il avait un regard qui était très exigeant? Est-ce que finalement... il préférait les autres écrivains à ce que lui-même pouvait produire. Il était extrêmement exigeant pour lui-même et surtout, il pensait, plutôt que préférer, il pensait que ce qu'écrivaient les autres était beaucoup plus important. Mmh. Et donc, il a passé beaucoup, beaucoup de temps, ce que Gallimard lui reprochait régulièrement, à traduire, à traduire et à promouvoir. Ce qui fait une œuvre assez courte, finalement. L'œuvre est courte, sinon on ne regarde que l'œuvre romanesque, l'œuvre fictionnelle, alors que c'est une œuvre énorme de traducteurs, d'introducteurs, de passeurs. Larbeau, c'est un passeur, avant tout. Juillet 1919, jeudi 10. Il faut que je note les détails de la journée d'hier. Farg est venu me chercher à la porte de la Bibliothèque nationale et nous sommes allés chez Madame Mulfeld. Paul Valéry et Gide étaient là. Jean Cocteau aussi. Et un jeune officier qui fait de la peinture. Madame Mulfeld a été très aimable et s'est efforcée de me mettre à l'aise. Ils ont amené la discussion sur Claudel. Et je les ai trouvés... Je veux surtout parler de notre hôtesse et de Cocteau, plutôt dur pour Claudel. Il semble oublier complètement ses grands drames et ses odes pour considérer uniquement l'homme, ses marottes, ses propos familiers, son aspect physique, et quelques-uns de ses plus récents poèmes qui d'ailleurs sont sans contredit inférieurs à ses précédents ouvrages. J'ai été tout à fait interloqué et mortifié quand Madame Mulfeld m'a dit que mes ouvrages étaient meilleurs que ceux de Claudel. C'est exactement comme si elle m'avait dit « Tout vaut mieux que ce qu'écrit Claudel ». J'en ai conçu un sens juste et précis de mon peu d'importance au regard d'un écrivain aussi grand que Claudel. C'est seulement, elle avait dit cela à Valéry. Car vraiment, je pense parfois que l'œuvre de Valéry est, dans son ensemble, supérieure à celle de Claudel. Enfin, du moins, peut-on les comparer l'une à l'autre. Le soir, dînant en tête-à-tête avec Gide dans sa maison d'Auteuil, nous parlions de cela et je lui dis « Claudel est un grand fait, tout comme Corneille ». Et ce matin, je me disais que dans 100 ans, il n'y aurait guère de différence entre Paul Claudel et Pierre Corneille. L'un des marqueurs de la vie de Larbeau, c'est donc son inscription dans le monde des lettres. Au fond, c'est sa vie, c'est de rencontrer des écrivains, de traduire, d'écrire, mais d'écrire aussi un certain nombre de chroniques, de livres. C'est ça finalement le vrai Valéry Larbeau, Béatrice Mousseli. Je ne sais pas si c'est le vrai Valéry Larbeau, mais c'est vrai que celui qui marque, c'est le Larbeau du domaine anglais, par exemple. Qui est son domaine de prédilection. Voilà, de tous les domaines, c'est certainement celui qui reste son domaine de prédilection. Donc, j'avais réuni il y a quelques années toutes ces chroniques anglaises consacrées à la littérature anglaise chez Gallimard, sous le titre de domaine anglais. Il avait lui-même créé un volume, qui en fait était un volume qui était bien inférieur au volume entier de tout ce qu'il avait écrit sur la question. Et donc, c'est quelqu'un qui a laissé, bien sûr, une des choses dont on n'a pas encore parlé, c'est la traduction d'Ulysse. Qui était à l'époque sans doute l'auteur le plus scandaleusement célèbre. Alors, célèbre, il ne l'était pas, puisque... Qui allait le devenir, puisque, en fait, Larbeau est celui qui a commencé à promouvoir James Joyce en France, alors qu'il n'était pas publié en Angleterre ni aux États-Unis. C'est lui qui a commencé à faire traduire les premiers, et à participer à la traduction des premiers chapitres d'Ulysse, qui ont été lus dans les salons d'Adrienne Monnier en compagnie de Sylvia Beach, qui va être la première éditrice d'Ulysse en anglais. Et c'est une édition qui va se passer en France, qui va paraître le 2 février 1922 à Paris. Donc on peut imaginer que le succès d'Ulysse tient en grande partie à Larbeau. À Larbeau, oui, c'est ce que dira Joyce. Larbeau va aussi jusqu'à prêter à Joyce sa maison à Paris pour lui permettre de terminer d'écrire. Il pensait que Joyce était un des génies du XXe siècle et il a mis tout ce qu'il avait à sa disposition. Il va faire un peu la même chose avec Borges. Alors Borges, il va écrire le premier article en français sur l'œuvre de Borges. Donc là, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas de traduction. C'est lui qui va faire découvrir Borges aux Français. C'est lui qui va dire regardez, voilà, là, c'est l'œuvre d'un. C'est l'œuvre d'un autre génie. Mmh. Et donc on peut lire un certain nombre de ses grandes critiques littéraires dans un volume paru de son vivant qui s'appelle « Ce vice impuni, la lecture ». Bah oui, on est vraiment dans le vice avec Valérie Larbaud quand il s'agit des livres. Je voudrais qu'on passe un petit peu en revue un certain nombre de ses publications à lui, en commençant peut-être par « Barnabous ». Et puis vous pouvez peut-être nous dire un petit peu ce que vous, en tant que lectrice, vous retenez de ces différents textes. Alors, Barnabous, pour vous, c'est quoi ? D'abord, on peut dire que c'est plusieurs choses, Barnabous. C'est à la fois des poèmes, mais c'est aussi... Voilà, Barnabous, c'est deux choses. Ce sont une série de poèmes, d'abord parus, dont faisait partie l'ancienne Garde de Cahors faisait partie de ce volume, paru en 1908. Et puis ensuite, en 1913, c'est le journal d'Ao Barnabous, qui est ce voyage extravagant de ce milliardaire sud-américain à travers l'Europe. Pour moi, Barnabous, c'est avant tout les poèmes. J'avoue que j'ai toujours été très très attachée à ces poèmes. Et la partie journal, elle, est remarquable parce que c'était aussi une nouveauté littéraire. C'est un ovni littéraire. C'est quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Donc voilà pour Barnabous, on en parlera beaucoup durant toute cette semaine. Même chose pour Fermina Marquez, dont on a déjà un petit peu parlé. Un mot peut-être sur Amant, heureux amant. Alors ça, ce sont trois longues nouvelles qui datent de 1923. Est-ce qu'elles ont quelque chose qui vous les rend proches en particulier, Béatrice Mousseline? C'est une évocation. Alors vous parliez de l'amour tout à l'heure, vous parliez de ce que voulait dire l'amour pour Larbaud. C'est une évocation des différentes facettes de l'amour. Pour moi, ce sont des nouvelles qui me parlent moins que les autres. Parce qu'il n'y a pas de train. Oui, parce qu'il n'y a pas de train. Peut-être parce que aussi la forme est la forme la plus classique. C'est une forme de transition avant ce qui va arriver derrière. Et alors, ce qui arrive derrière, c'est ce sont les essais. Jaune, bleu, blanc aussi. Voilà, jaune, bleu, blanc, là, c'est les essais. Alors, on parlait du Portugal tout à l'heure. C'est dans ce recueil que va apparaître Fernando Pessoa et un séjour au Portugal. Et c'est vrai que Jaune, bleu, blanc est peut-être pour moi le recueil d'essais le plus significatif. C'est celui dans lequel aussi va apparaître les 200 chambres, 200 salles de bain. Pourquoi le plus significatif? Pour moi, le plus significatif, c'est peut-être le Larbaud le plus émouvant. C'est le Larbaud le moins sûr de lui-même, où il se révèle le plus. Bon, on revient sur ce voyage au Portugal, où finalement, parce qu'il ne parlait pas suffisamment bien la langue, il se sent incertain, il se sent légèrement dépassé par tout ce qui se passe. Et puis en même temps, il a cette énorme tendresse pour le Portugal. Qui tient peut-être à l'hippopotame, le fameux hippopotame du zoo de Lisbonne, qui tient à ce bout du monde, à des rencontres, et notamment la rencontre avec Pessoa. Et puis, à un moment de sa vie, il est au Portugal avec Maria Nebbia, c'est un moment où il réfléchit sur ce qui va arriver après. Et puis, c'est aussi un petit état, pas aussi petit, évidemment, qu'Andorre, mais enfin, c'est quand même perdu un petit peu en bas à gauche de l'Europe. J'imagine que ça lui plaisait bien. Et puis, la grandeur un petit peu disparue du Portugal devait aussi jouer sur son imaginaire. Il aimait le Portugal, il aimait aussi le Bourbonnais. Et en 1927, c'est la même année d'ailleurs que la parution de Jaune, Bleu, Blanc, il fait paraître Haleine. Alors ça, c'est un voyage en France, un voyage. Oui, alors ça, c'est un voyage en France. C'est un voyage où il s'amuse. Dans Haleine, il y a un écho des copains de Jules Romain. Un voyage en voiture dans la fameuse Quasi, qui était le nom qu'il avait donné à sa voiture. Et puis c'est un voyage aussi pour faire connaître cette région qui était une région qu'il adorait, qu'il révérait, qui était le Bourbonnais, ses collines, son vin, ses gens, les paysages. Et puis, malheureusement pour lui, ce sera parmi ses derniers livres. On peut citer en 1932 « Sous l'invocation de Saint Jérôme », qui est un recueil d'essais consacré au travail de critique et de traducteur. En 1938, « Aux couleurs de Rome », qui est un autre volume d'essais de voyage. Et donc en 1935, c'est cet accident, Béatrice Moussely, qui va le paralyser jusqu'à sa mort. C'est quand même 20 années à peu près de vie en chaise roulante. De vie en chaise roulante, donc accident cérébral qui le laisse paralysé et surtout qui le laisse aphasique. J'étais le voir à Vichy et puis après à Valbois, parce que c'est à Valbois qu'il a terminé sa vie. Et c'est à Valbois que j'ai eu le plus de contact avec lui, enfin le peu de contact qu'on pouvait avoir. Vous savez qu'il ne pouvait presque plus prononcer de mots et il avait un répertoire tout à fait limité. Et je vais vous dire les mots que j'ai retrouvés, je les avais notés sur une feuille, comme je notais tout ce qu'il disait à ce moment-là. Et le mot qui lui permettait de dire que c'était bien, c'était le mot « merveilleux ». Et ce n'est pas un hasard si le mot « merveilleux » s'appliquait dans sa bouche à ce qui était bien, parce qu'il avait le sens du merveilleux dans le quotidien. Alors, au contraire, il y avait des mots tout à fait, je vais dire, un peu honnête, mais contradictoires, des mots opposés. C'était le mot « mauvais », il prononçait « mauvais », le mot « fini », le mot « bonsoir » et le mot « non ». Donc, plus de mots négatifs que de mots positifs. Plus de mots négatifs. Mais il était encore... Il ne pouvait pas dire oui. Je ne l'ai jamais entendu dire oui. Il disait oui par un signe de la tête. Et il ne pouvait pas le prononcer, et il pouvait prononcer non. Alors, il y avait des noms de personnes qu'il pouvait encore citer. Je vais vous dire les noms, je les ai notés. Gallimard, Malraux, Paulhan. Et puis alors des personnages, des enfantines, Milou, Julia et Justine. Les enfantines, pour lui, étaient un des livres auxquels il tenait le plus dans son infirmité. C'était celui qui lui faisait dire le plus merveilleux. Merveilleux. Et il me montrait à Valbois une allée d'une charmille, comme on disait, qui est une charmille avec des charmes qui avaient poussé, qui en berceau. Et il me disait que c'était derrière ce rideau de charmes qu'il guettait la petite Justine, la petite fermière, dont il était un peu amoureux. Et il était arrivé à me l'expliquer. Merveilleux, merveilleux, Justine. Moi, vous pouvez dire moi aussi. Moi, Justine, merveilleux. Mais ce qu'il y a de plus émouvant, c'est ce qu'il a dit, c'est « bonsoir les choses d'ici-bas ». Il ne l'a pas dit seulement avant de mourir, il le disait très souvent. « Bonsoir les choses d'ici-bas ». Ça, c'était comme un mot qu'il avait conservé. « Bonsoir les choses d'ici-bas ». « Bonsoir les choses d'ici-bas », une phrase qui est devenue célèbre, Béatrice Moussely, et en particulier, j'imagine, parmi les larbaldiens. Oui, c'était la phrase que l'on disait qu'il avait prononcé en dernier, ses derniers mots, et qui lui ressemblait bien, enfin qui ressemblait bien. Ici, il est question de merveilleux, enfin c'est quelqu'un qui aimait la vie, et ça lui ressemblait bien de les saluer. Alors ce sera un peu le dernier à disparaître parmi tous ces écrivains qu'il fréquentait. Valéry est mort en 45, Léon-Paul Fagg en 47, Gide en 51, Claudel en 55, tout comme Adrienne Monnier. Et c'est assez triste tout de même cette fin qui finalement voit tout ce qu'il aime disparaître et en particulier la possibilité de travailler. Voilà, c'est la fin d'une génération. Le problème, c'est que pour lui, la fin du travail, c'était 1935, et que c'est véritablement une carrière coupée. Et puis un ennui, on imagine. Un ennui, l'impossibilité de lire aussi. L'impossibilité de faire quoi que ce soit, d'être complètement à la merci de tout le monde. Un dernier témoignage, c'est celui de Beckett, pour dire aussi que si Valéry Larbaud était quelqu'un de très riche, c'était aussi quelqu'un de très généreux, Béatrice Moussely. Et cela, Beckett l'a raconté. Oui, je parlais tout à l'heure de Joyce. Larbaud était quelqu'un qui offrait volontiers sa maison, tout ce qu'il pouvait à ses amis. Et qui accueillait très volontiers les gens. Et il nous en est resté beaucoup de témoignages. Et quand Beckett avait besoin de quelque chose, il lui suffisait de demander à Valérie Larbaud. Merci beaucoup Béatrice Mousseli pour ce premier panorama de la vie de Valérie Larbaud. Je rappelle votre biographie, elle fait référence et elle est parue en 1998 aux éditions Flammarion. Plus près de nous, en septembre dernier, je signale aussi votre biographie de Suzanne Sontag. C'est également aux éditions Flammarion. Demain, nous continuerons de parler évidemment de Valérie Larbaud dans la compagnie des auteurs. Ce sera avec Gilles Charbonnier pour évoquer le cosmopolite qu'était avant tout Larbaud. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous voulions naguère devenir de grands poètes, nous parlions du soleil. Mais le présent nous troue le cœur comme un clou dans nos godillots. Nous disions alors « ciel » et aujourd'hui « courage », nous ne sommes plus des poètes, mais rien que des camarades avec nos grandes blessures et nos rêves encore plus grands. La semaine s'ouvre comme une énigme, nous sommes à la radio, alors soyons indulgents, on vous tend la solution, ce n'est plus une énigme, c'est un jeu concours, je vous parle d'un pays proche, je suis contemporain d'une tragédie, pays au bord d'une mer accessible aux migrants, la tragédie, je suis un poète grec et je m'appelle... Tassos Livaditis, Kostas Kariotakis seront les deux poètes grecs avec qui nous passerons la semaine. Quelques mots, simplement. Je voudrais parler, simplement, comme on déboutonne sa chemise pour montrer une vieille cicatrice, comme quand on a froid au coude et qu'on voit qu'il est troué. Tassos Livaditis écrit en 1950 les poèmes de la déportation. Il parle de l'oppression, de l'exil. Parler si je rentre chez moi un jour en portant ma gamelle sale pleine d'exil, en portant dans mes poches deux poings serrés. Parler, simplement. Rien qu'un instant posé quelque part mes béquilles. Tassos Livaditis fut d'abord un jeune homme engagé à gauche dont les poèmes décrivent les luttes et les épreuves du militant. Un second Livaditis est apparu dans les années 70 avec une voix bien à lui, des poèmes étonnants qui racontent des histoires. L'aveugle et sa chandelle, choix de poèmes de Tassos Livaditis, traduit présenté par Patricia Lenoir. Adieu. D'habitude je le rencontrais dans l'escalier. Il venait parfois dans ma chambre et ramassait les épingles éparpillées par terre. « Je vais les apporter à Maria », disait-il, honteux apparemment de ce que Maria soit morte. Puis tout a changé. La maison plongée dans l'ombre, on distinguait à peine les marques d'autrefois. Dans la rue, un chandelier brillait comme s'il y avait sous terre quelque chose que nous ne devions pas oublier. « Et toi, m'a-t-il dit, pourquoi aimes-tu te traîner comme un ver de terre ?»« Seigneur, je veux trouver le temps. » Et quand le train a sifflé pour la deuxième fois, « Ici s'achèvent les rêves », a-t-il dit. Et il pleuvait sans arrêt sur tout ce monde si vain. La force des mots de Tassos Livaditis. Je suis là pour parler, vu tout ce qui s'est passé de mon temps, guerre, révolution. Mais j'ai aussi été le témoin de nombreux événements imaginaires. Bref, un admirable vagabond de n'avoir justement nulle part où aller, puis à la tombée de la nuit prononçant de folles paroles comme des jeunesses. Frugalité, frugalité. Au fil des ans, je deviens de plus en plus concis, au point que, pour finir, un mot me suffira. Silence, comme dans les hôpitaux, ou feu, comme tous mes matins. Jacques Bonafé, merci.